Salut bébé. Oui bébé, comme Blockbuster. Merci pour cette émission sur Dune. Dans mon souvenir avec ma sœur, rien que ce mot Dune nous faisait rire parce que c'était un de ces films de notre père auquel on ne comprenait rien. J'ai le livre là devant moi dans ma bibliothèque que j'avais piqué à mon père il y a longtemps et maintenant je me sens enfin prête à l'ouvrir. Merci. Alors Dune, je l'ai vu petit, j'ai rien compris, ça m'a gonflé. Un pote a essayé de m'expliquer, j'ai rien compris et ça m'a gonflé. J'ai vu l'émission, j'ai rien compris, mais ça m'a intéressé. Allô, c'est au sujet de Dune que je vous appelle. C'est pour vous dire que j'en rêve. C'est un chef-d'œuvre vraiment magnifique. J'attends de le voir au cinéma, de vraiment en profiter et en 3D, s'il vous plaît. C'est une splendeur. Je vous embrasse tous. Heureusement que vous êtes là. Bravo à Frédéric et toute l'équipe pour votre superbe émission sur Dune. Alors quand même, je m'étonne parce que vous n'avez pas parlé d'une scène du film de David Lynch qui m'avait traumatisé à l'époque. Ah, j'ose même pas la décrire. C'est quand le baron Harkonnen que j'avais en joué, je crois, s'approche d'une sorte d'esclave et enfin, j'ose même pas le dire. Ça, c'est décapsule. Enfin, un truc horrible. C'est au secours. À bientôt. Merci. Bonjour, moi c'est Darth. Quand j'étais en primaire, ben, j'adorais couper en deux les verres. Et du coup, ben, j'aime bien les grands verres aujourd'hui. Et ça existe vraiment des gros verres, vraiment des gros gros verres géants. À plus. La différence entre Dune et Star Wars, c'est que dans Dune, il n'y a pas Chewbacca. Eh oui, il n'y a pas Chewbacca. Hélas. Salut Frédéric, c'est Max depuis Madrid en Espagne. Si je devais expliquer ma jeunesse à mes gamins, ben, je leur passe les podcasts de Blockbuster et ils comprendront. Et puis si j'avais une petite recommandation, ben, ce serait bien de faire un petit épisode sur la BD, en dehors des sentiers battus, des Tintins, des Astérix, ce serait bien de parler un petit peu, ben, voilà, d'autre chose. Bisous, et puis Blockbusters, ça déchire. En Espagne, on dirait mola mucho. J'appelle et je vous laisse ce message pour dire que je suis trop contente que vous fassiez une émission sur Urgence. C'est la série qui m'a fait aimer les séries. Dédicace à ma sœur Clémence, qui était une grande fan aussi, le dimanche soir, devant France 2. Blockbusters! To be or not to be, not to be. Ça craint les urgences. Mais dites pas le contraire. C'est assez rare que dans un couple, on se retrouve à deux sans enfants et qu'on se dise « Tiens ma chérie, ça te dirait une soirée aux urgences ?» Non, non, non. Les urgences, c'est le moment du non-choix. C'est l'endroit où tu te retrouves quand tu peux plus faire autrement. Il y a urgence justement. La petite dernière fait une poussée de fièvre que t'arrives pas à faire baisser et t'habites dans un désert médical? Tu t'es pété la jambe en voulant reproduire une chorégraphie de Michael Jackson dans ta chambre? Tu t'es enfoncé une branche dans le cou en voulant faire du jogging en forêt? Tous ces chemins mènent aux urgences. Si vous vous dites que c'est du vécu, c'est vrai. Un urgentiste peut être plus qu'un psy, c'est un homme ou une femme qui a tout vu. Il a vu l'humanité dans son plus simple appareil. Je veux dire, quand tu vois arriver un individu avec une boule de pétanque coincée là où le soleil ne brille pas, ça change ta vision du monde. Et les urgences, c'est un examen pour lequel on n'a jamais assez révisé. Parce qu'on pense tous avoir le niveau pour être une urgence. Mais tout le monde le pense. Et plus souvent, tu te retrouves dans une salle d'attente qui date d'une époque où l'hôpital avait encore de l'argent. La jambe en vrac, telle une figurine cassée sur un fauteuil en cuir éventré qui laisse échapper une mousse qui a attendu 40 ans pour s'échapper. Coincé entre un sans-abri éméché et une dame en train de se vider de son sang dans un gobelet en plastique, tu attends. Tu attends. Tu attends de passer l'audition au grand casting des éclopés. Les urgences, c'est l'aire d'autoroute de l'existence. L'endroit où, si t'es bien attentif, sur le siège d'en face, tu peux apercevoir toute la société française. Mais heureusement, les urgences, ça n'est pas que ça. C'est aussi une série. Et quelle série ? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Un peu de place. Pupille symétrique et réactive. 15 litres masse. NFS, chimie, iono, ECBU, ECG et radio du thorax. Température à 33. La couverture est prête. Vous vous appelez comment? Eh oh. S'il y a bien un milieu qui inspire plus encore les scénaristes que la police, c'est le milieu hospitalier. Grey's Anatomy, Dr House, Good Doctor, Scrubs, H, Hippocrate en France. Si des extraterrestres essaient de comprendre notre planète en regardant nos séries télé, ils vont se dire que 90% de la planète était médecin. Pourtant, il est une série médicale qui a bouleversé le monde de la télévision. Et cette série, c'est bien évidemment Urgence. Et ça n'est pas peu dire qu'il y a eu un avant et un après Urgence. Et pour revenir sur l'incroyable impact qu'a eu cette série narrant le quotidien des docteurs Rose Benton ou de l'infirmière Carole Attaway, j'ai avec moi une équipe de chirurgiens télévisuels triés sur le volet. Or, tout d'abord, Séverine Barthes, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 3. Vous êtes enseignante, chercheur, spécialisée dans les séries, le cinéma et la sémiologie. Et évidemment, vous vous y connaissez en urgence. Un peu, oui. Également avec nous, Anne Demoulin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste culture et critique série chez 20 minutes. Tout à fait. Et vous aussi, vous touchez votre bille en service hospitalier, séries médicales, qui abreuvent nos petites élites. Je suis complètement accro aux séries médicales. Ça tombe bien, c'est le sujet. Benoît Lagan, bonjour. Salut. Voilà, un copain, journaliste culturel à France Inter, éditorialiste dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous, critique série pour Télérama et l'émission Télématin, et auteur du spectacle Le Compteur Cathodique. C'est ça. Et également avec nous, alors on ne le présente plus, mais si, quand même, on va le faire. Pierre Langlais, journaliste spécialisé dans les séries pour Télérama, auteur du blog Sériérama sur Télérama. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors ensemble, on reviendra sur la genèse de cette série, sur ce qui en a fait une révolution dans le panorama des séries, son accueil à l'international, et finalement, pourquoi sommes-nous si passionnés par la vie en milieu hospitalier ? Allez, c'est parti, vous êtes dans Blockbuster sur France Inter, et là tout de suite, il y a urgence. John Carter ? Oui, monsieur. Peter Benton. T'es externe en chirurgie ? Oui, la troisième année. Bon, on va passer beaucoup de temps ensemble, alors commençons par faire le tour du service. Voici les admissions ou l'accueil. Si tu dois biper quelqu'un ou demander un dossier, ça se passe ici. Voici Timmy. Lui, serre pas la main, il a peur des maladies. C'est le couloir qui mène au labo. On fait hématocrite, numération et chimie. Les examens sont marqués sur des fiches que tu laisses à l'accueil et demande-les d'urgence, que ce soit urgent ou non. La chimie, c'est le 70-2-2. L'hémato, le 6-9-4-4. Apprends ces numéros par cœur. Mm-hmm. Chaque patient a une perf dans la minute où il passe la porte. Utilise un enjeu 4-2-16. Tu as besoin d'un gros calibre au cas où il saigne et nécessite une transfusion. Tu sais passer une perf ? En fait, non. T'es bien en troisième année ? Oui, mais tout ce que j'ai fait, c'est dermatologie et psychiatrie. Les spécialités proprettes, hein ? Tu vas apprendre que les chirurgiens essaient d'aider les gens et pas de leur soutirer du fric. La meilleure façon de pratiquer, c'est de tirer la peau pour que la veine ne roule pas. Et vas-y doucement. Quand t'es dedans, retire le truc et branche la tubulure. Voici Carole Attaway, notre surveillante. John Carter. Enchanté. Salut. Elle est superbe, non ? Elle sort avec un orthopédiste, un ex-champion de foot qui a tout de King Kong. Ensuite, tout ce qui te reste à faire, c'est de poser un sparadrap. Flux modéré, 2 ou 3 gouttes par seconde. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok ? Alors, on l'a entendu, Urgence est une série bavarde, mais ma première question, Séverine Barthes, si on devait résumer Urgence en quelques mots, Urgence, c'est quoi ? Ah bah, c'est une série qui se passe dans le service des urgences d'un hôpital de Chicago et qui va suivre évidemment ces affaires, ces histoires médicales, ces patients qui arrivent, certains avec pas grand chose, d'autres complètement éventrés, d'autres au début ça semble pas grand chose et en fait c'est beaucoup plus grave. Et puis à côté de ça, il y a évidemment toutes les histoires de ce microcosme, des histoires d'amour, de haine, des histoires personnelles faciles ou compliquées et qui vont faire qu'on va avancer avec ces personnages pendant très longtemps. Alors on l'a entendu, dans Urgence, il y a tout un vocabulaire très très riche qui concerne le milieu médical. Est-ce qu'initialement, quand c'est apparu sur les écrans américains et les écrans français, est-ce que ça a tout de suite été un succès ? Est-ce que les gens ne se sont pas sentis un petit peu effrayés par l'avalanche d'informations qu'on pouvait avoir dans les dialogues d'Urgence ? Benoît Lagarde. Alors, dans le cas d'Urgence, quand c'est arrivé en France, c'est arrivé l'été, donc dire que la chaîne y croyait un peu pas trop. Ça passait à la place d'envoyé spécial, le jeudi soir, et ça a été un tel succès, en fait, France 2 a été vraiment surpris du succès de la série, parce que du coup, ils ont enchaîné directement sur la saison 2 à l'année. Donc, c'est que ça a pris. J'ai pas les audiences précisément en tête, mais ça a vraiment pris. Et aux États-Unis, dans mon souvenir, ça a été un succès assez, assez rapide. Oui, et puis ça prenait la suite. Ça, c'était un peu le successeur d'une série un peu mythique aux États-Unis, qui est Saint Elsewhere, du début des années 80, qui a été un peu la première série médicale à, dans le genre d'urgence. Quand moi je monte Saint Elsewhere à mes étudiants aujourd'hui, ils me disent mais Urgence n'a rien inventé. Il y a quelque chose de cette rapidité, de ces couloirs, de ce mélange d'histoire médicale et d'histoire personnelle. Parce que c'est une vieille histoire en fait, Urgence. Au départ, c'est un scénario de Michael Crichton, le créateur de la série, qui a signé notamment Jurassic Park. Qui était interne, hein, lui-même. Voilà, qui était médecin. Et il avait écrit dans les années 70, je crois que c'était en 74, il a écrit un scénario, vraiment pour le cinéma. Puis personne en voulait. Ensuite, ça devait être pour la télévision, mais il voulait pas sacrifier son scénario. Du coup, il l'a mis dans un coin. Et c'est Spielberg, ou du moins un assistant de Spielberg, qui a retrouvé le scénario quelque part. Il a dit, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Et qui ensuite est allé vendre le concept de la série. Et là, Crichton, qui avait fait de toute façon avec Spielberg, ils avaient plusieurs projets ensemble, ont décidé de se lancer là-dedans. Ils sont allés chercher John Wells, qui était un producteur qui avait fait China Beach, une autre série médicale située au Vietnam, dans mon souvenir. C'était le Vietnam, c'est ça. Dans les années, c'est une série des années 80. Et donc, ils s'y connaissaient un petit peu dans le genre. Et ensemble, ils ont inventé ce truc. Et qui était quand même, alors Saint Elsewhere, Séverine le citait, qui était effectivement un exemple avant Urgence, mais qui Saint Elsewhere a existé pendant plusieurs années, on se demande pas trop, on sait pas trop pourquoi, ça marchait pas, c'est un succès critique, mais pas un succès public. Et là, je crois que la première surprise a été que ça marche autant. Et alors, Anne de Moulin, vous disiez que vous étiez fan de séries médicales, est-ce qu'il y avait déjà eu des précédents? Est-ce qu'il y a eu un style Urgence Alors, ben, comme l'a cité Séverine, sur le côté vraiment choral, comme dans Urgence, c'est Saint Elsewhere qui est le modèle. Après, il y avait eu aussi, avant, d'autres grands succès. Je pense à MASH, je pense au docteur Marcus Welby, qui avait été des énormes succès de la télévision américaine, par exemple. Et Urgence, pardon, Pierre Langlais. Je veux dire, Urgence s'inscrit aussi à la suite et dans la même époque que des séries comme NYPD Blue, alors qui n'étaient pas des séries médicales, mais qui étaient les années 90. Une des choses qui marque les années 90 à la télé américaine, c'est l'explosion du choral, justement. C'est des histoires où il y a pas mal de personnages, où on est dans des arènes, que ça soit la justice, la police, la médecine. En fait, des histoires où la télé se dit que les téléspectateurs sont devenus suffisamment captifs, qu'ils reviennent toutes les semaines pour qu'on puisse étendre les histoires et faire des choses plus feuilletonnantes. Donc c'est-à-dire que Urgence, il y a quand même, dans la plupart des cas, des histoires chaque semaine. Mais il y a aussi beaucoup d'intrigues qui se poursuivent avec les personnages à travers les épisodes et à travers les saisons. Et on est à cette période-là, et donc Urgence profite aussi de cet essor-là, pas seulement du médical, mais de ce type de récit-là à travers la télévision américaine. En fait, ce qui se passe à la télévision américaine, c'est que dans les années 80, on expérimente différentes choses, et notamment Saint Elsewhere est une expérimentation d'une autre façon de faire de la série médicale que Marcus Welby. On était encore dans le bon médecin bien gentil. Il y avait eu Ben Casey, il y avait eu Dr. Kildare qui lui était un peu plus méchant. Et Dr. Quinn, alors. Et Dr. Quinn, mais il y a plusieurs expérimentations, en fait, de séries médicales. Et puis, on pourrait parler aussi de la série de Dr. Dougie, par exemple, aussi. Donc, il y a plusieurs expérimentations comme ça. Et il y a, dans les années 80, ces séries judiciaires, policières et médicales qui testent des choses. Et dans les années 90, ça consolide. Et c'est ça la force d'Urgence, c'est-à-dire d'avoir, comme NYPD Blue a consolidé un petit peu la série policière chorale, comme les séries de David E. Kelly dans le monde de la justice ont fait de même, Urgence a fait ça avec les séries médicales. Alors on se retrouve dans quelques instants pour continuer de parler de gens en mauvaise santé et de médecins épuysés. Mais pour l'instant, on écoute Wyclef Jean et Mary J. Blige avec 911. Yo, what up, this Wyclef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low. Pull your girl up next to you, I want you to say these words. If your step comes for me tonight, girl, I want you to know that I loved you. No matter how tough I would appear, only to you I would reveal my tears. So tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life. But when I look into your eyes, man, you're worth that sacrifice. Love that my mom used to warn me about, man, I'm in trouble, I'm in real big trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, man, I'm in trouble, I'm in real big trouble. I need y'all to do me a favor, someone please call 911. Pick up the phone, y'all. Tell them C'était Wyclef Jean et Mary J. Blige dans Blockbuster sur France Inter. J'ai quitté l'école de médecine au milieu de ma troisième année. J'étais seconde de ma classe quand je suis partie. Seconde ? J'ignorais ça. Pourquoi as-tu arrêté ? Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu ne comprends pas pourquoi on ne veut pas être comme vous. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils t'ont fichu dehors parce que ton ex-mari ne payait pas tes cours. Oui, mais j'ai choisi de ne pas revenir. Au milieu de ta troisième année ? Pourquoi ne pas finir ? Tu avais fait le plus dur, ça allait devenir marrant. Parce que j'ai compris que j'étais fière de ce que je faisais. J'apporte un plus dans la vie de mes patients. Mais tu ferais mieux en tant que médecin ? Non, tu vois, c'est là que t'as tort. Je ferais moins en tant que médecin. C'est vrai, vous ne passez que peu de temps avec les malades. Combien envoyez-vous par jour ? 30, 40 ? Réfléchissez, vous ne tenez pas la main d'un petit enfant, vous n'expliquez pas à sa mère comment s'occuper de lui. Combien de patients tu vois en une journée ? 10, parfois 12, et je ne passe pas mon temps à effacer le tableau des admissions. J'ai fait un choix et ça vous ne comprenez pas parce que c'est pas celui que vous auriez fait. Alors, quand Urgence est arrivée en France, la diffusion a été totalement nouvelle parce que ça a remplacé le film de 20h30, Séverine Barthes. Oui, dans un premier temps, c'était donc le jeudi soir l'été, mais dès la rentrée, effectivement, France 2 décide de mettre à la place, dans cette espèce de duel qui existait entre TF1 et France 2 pour le film du dimanche soir, France 2 décide de faire une sorte de pas de côté et de faire une totale contre-programmation en proposant cette série qui avait bien pris pendant l'été. Et donc cette innovation de la série télé le dimanche soir, qu'on a souvent rapportée en fait à TF1 avec les experts. C'est vrai qu'ils ont fait ça massivement, mais les premières fois avec des séries américaines, c'était France 2, effectivement, à la rentrée. Et alors Benoît Lagan, vous me disiez pendant la chanson que c'était sur le créneau d'envoyé spécial. Oui, parce qu'au départ c'était sur le créneau d'envoyé spécial, et d'ailleurs on se disait avec Pierre Langlais pendant le disque que le générique d'envoyé spécial très bleu avec le générique d'urgence très bleu, il y avait quelque chose qui... Et sauf que ce jour-là, plutôt que c'est un chariot de Réa qui défonce deux portes battantes et qui défonce les deux portes de prison qui nous présentaient envoyé spécial. Parce que c'était le 27 juin 1996. Voilà, 27 juin 96. Et moi je trouve que ça a été malin, mais c'est un accident, je pense, incomplet, hein, de la part de France 2. C'est-à-dire que d'avoir mis une série américaine à la place d'un magazine d'actu, avec une série qui avait quand même une forte densité sociétale, et que donc, pour les téléspectateurs qui habitués à envoyer spécial, tout d'un coup, ils se sont retrouvés à regarder une série américaine, mais peut-être pas une série comme ils pensaient que les séries pouvaient être. Moi, je l'ai expérimenté avec mes propres parents, c'est-à-dire qu'ils ont regardé aussi avec moi, quoi. Ils avaient l'impression d'avoir un reportage sur l'Amérique, quoi. Et puis moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus fun que les deux vieux qui présentent envoyé spécial, quand même. Et alors, Anne de Moulin, on parle d'urgence comme d'une série hospitalière, mais il y a aussi des personnages très très forts et des acteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus ? Alors oui, la série s'est aussi illustrée grâce à son casting. À la base, ils sont pas tout très connus tous, mais il y a deux personnages qui se dégagent particulièrement. C'est le personnage interprété par George Clooney, à savoir le docteur Doug Ross, qui est pédiatre dans la série, et l'infirmière Carole Hathaway, qui, pour anecdote, ne devait initialement pas avoir un rôle récurrent dans la série. Elle apparaît dans le premier épisode simplement en tant que guest. Et puis, en fait, aux États-Unis, quand l'épisode a été diffusé, les gens ont appelé NBC en disant « On veut revoir cette infirmière, elle nous a émus ». Et du coup, Juliana Margulies a gardé le rôle pendant de longues années. Elle avait fait une tentative de suicide. Elle était censée ne pas y survivre. Mais ce qui est fou, d'ailleurs, c'est que ça veut dire que déjà à l'époque, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère où les fans s'expriment beaucoup sur les fins de séries, voudraient qu'on retourne telle ou telle chose, mais ça veut quand même bien dire que dès cette époque, les fans pouvaient influer sur le destin d'une série ou non. Oui, alors, ça a l'air d'être la préhistoire, 1994 en l'occurrence aux États-Unis, mais pour nous Français, mais pour les Américains, la culture sérielle était déjà extrêmement déjà présente, et du coup c'est pas surprenant que ce genre d'opération là puisse exister. Évidemment ça s'est multiplié par la suite, mais c'est assez symptomatique du fait que l'urgence qui vient à une période qui est proche de celle des X-Files, dans deux genres radicalement différents, sont des séries. Alors il y a eu Star Trek avant, etc., où il y avait des bases de fans extrêmement forts qui se manifestaient beaucoup, mais c'est vraiment au milieu des années 90, évidemment la montée d'internet a accompagné tout ça, et on a commencé à avoir une très forte interactivité, et c'est vrai qu'Urgence et avec X-Files, je pense, les deux séries qui auprès du public français, c'est l'incarnation du début de ce qu'on appelle l'addiction aujourd'hui, c'est-à-dire, je me souviens très bien, avant de bosser à Télérama, je le lisais, mais en son prof, on avait Télérama à la maison, normal. Auditeur de France Inter, vous avez le packaging complet. Le packaging complet. Et du coup, je me rappelle très bien qu'il y avait dans Télérama une chronique à la fin, où il était, c'est la première fois que je lisais un truc de quelqu'un qui disait, j'ai fait des excès de vitesse sur le périph et j'ai failli renverser 10 personnes parce que c'était dimanche soir et j'avais peur de rater le début d'Urgence. Et c'était les premières manifestations d'un syndrome, entre guillemets, Sur les urgences a failli remplir les urgences. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une prophétie autoréalisée. Mais c'est pour ça que je le relis à Envoyé spécial, parce que je pense que pour moi, c'est tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est tout un monde intellectuel, effectivement, notamment les abonnés de Télérama, qui se retrouvent tout d'un coup à voir qu'une série, ça peut avoir du sens, parce qu'il y a eu des mécaniques similaires avec Dallas, avec Dynasty, mais c'était un public beaucoup plus populaire. Là, tout d'un coup, on avait et le public populaire qui s'intéressait aux relations de Doug et de Carole, voilà, parce que c'est ça qui les attirait, et puis tout un public qui disait ouais, mais on voit l'Amérique de Clinton, oui, mais on voit les problèmes de santé, oh, qu'est-ce qu'on est bien en France avec notre système de santé. Enfin, c'est ça aussi c'est une des premières séries, et que ça vienne sur le service public finalement en France, c'est pas anodin non plus. Alors c'est assez intéressant de voir que Urgence a marqué les esprits dans l'histoire des séries télévisées, mais Prudence Castelo et Chloé Brassière, qui sont les seuls internes qui travaillent en extérieur de l'émission, sont allés à la rencontre des gens pour savoir si aujourd'hui on se souvenait encore d'Urgence. Urgence, je regardais avec ma famille quand j'étais petite. Enfin, ça passait à la télé et on regardait le soir. Je connais pas. C'est la première fois que j'entends parler. C'est pas la première fois que j'entends parler de la série, mais je ne regarde pas. Je sais que quand ça passait à la télé, vraiment, je zappais. Non, je sais pas. J'ai pas trop de souvenirs. Hein. C'est quand même assez vieux, donc non. Il y avait pas l'acteur, là, très connu, le beau gosse. Comment il s'appelait Nespresso. Georges Clooney. En direct. Georges Clooney. Cette série qui a dû marquer des générations et qui ne m'a pas marqué du tout, parce que je pense que j'ai jamais vu un épisode de cette série, mais qui doit être bien. Je sais qu'il y a Georges Clooney. Il me semble que c'était avec Clooney. Je pense à Georges Clooney quand il était jeune, c'était dans Urgence. Hein. Il était beaucoup moins beau que maintenant. Il avait une coupe un peu balai brosse, il me semble. Fashion faux pas. Il me semble que c'est assez vieux. Je trouvais que c'était plutôt pas mal fait. Il y avait le monde médical, je crois. Le monde médical, enfin les rapports humains, la difficulté des rapports humains, je crois. Enfin, c'est. Je crois, hein. Jamais. Je connais la série, mais j'ai jamais regardé. Ça me stresse. Je ne regarde pas trop ces séries-là. Moi, les séries hospitalières, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne me parle pas du tout, que ce soit Urgence, Grey's Anatomy. Voilà, la seule série hospitalière que j'ai regardée, c'est H, parce que c'est hyper marrant. La seule série médicale que j'ai regardée, c'est Doctor House aussi. Moi, je n'ai rien contre, je sais que Grey's Anatomy, c'est sympa. Non, j'en regarderai quand même pas 50 à la suite, non. Le côté comédie romantique, à deux balles avec des maladies bizarres, genre Doctor House qui trouve toutes les maladies, moi ça me... Je connais des amis qui sont fans de ça, des copines, mais non, je ne regarde pas. Urgence, c'est un peu le Baywatch de l'hôpital, tu vois, c'est des beaux mecs et des belles meufs, mais comme Grey's Anatomy dans un hôpital, et il y a des histoires, et ils sont face à la difficulté des hôpitaux, et je trouve ça un peu con, quoi, mais j'aime Georges. Alors, ils viennent d'où? Ah ben oui, mais on les a trouvés facilement en plus. Hein. Alors je rappelle que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20, au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire urgence. Alors on l'a entendu dans ce micro-trottoir, il y a encore pour beaucoup de gens, urgence est vraiment une série qui vient du passé, alors qu'il n'y a pas un seul livre qui recense les grandes séries qui ont marqué la télévision, qui n'a pas un chapitre consacré à urgence. Comment on explique ça? Pierre Langlais, Séverine Barre. Vas-y, je t'en prie. Je pense, alors, il y a sans doute un aspect générationnel, parce qu'Urgence n'a pas été tant rediffusée que ça une fois que la série était terminée. C'est-à-dire que chaque année, ils rediffusaient des anciens épisodes avant de recommencer la nouvelle saison. Mais pour le coup, il y a plein d'autres séries qui sont massivement rediffusées et Urgence n'a pas vraiment bénéficié de ça. Et donc, je pense que dans la mémoire collective française, ça joue une espèce d'effacement de ça. C'était encore à une époque, en plus, où les séries n'étaient pas autant regardées ou autant un phénomène de mode qu'aujourd'hui. Donc, il n'est pas impossible que des gens soient passés à côté. Et aujourd'hui, aller regarder et récupérer une série de 15 ou 16 saisons, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. 15. C'est un investissement que les gens n'ont peut-être pas envie de faire. Enfin, Urgence, c'était quand même sur France 2 à la grande époque où les audiences pouvaient être fortes. C'était du 20%, 21 à 22% d'audience. Donc, c'était quand même énormément de gens. Moi, je pense que ça s'explique aussi que, je sais pas quel âge ont les personnes qui vous êtes arrivées au bac à sable. Je pense qu'il y a une fracture générationnelle. Ils ont moins de 30 ans. Voilà. Mais il y aura, et je rejoins Séverine, il y aura le même phénomène, je pense, avec Grey's Anatomy pour la génération d'après. Quand une série dure très longtemps, et puis surtout, c'est des séries qu'on regarde sur l'instant et qu'on a envie de voir avec le temps, une fois que la série est terminée, on n'a pas forcément envie de la revoir comme on a pu le voir avec d'autres séries. Oui, puis c'est vraiment une série au long cours où il y a eu plusieurs changements de cast, de distribution. C'est quand même étonnant d'entendre si souvent Clooney. Clooney, il a fait 5 saisons. Et alors que Noah Wyle était là quasiment tout du long. Bon, évidemment, c'est la série qui a révélé George Clooney, donc ça a son importance quelque part. Alors, je m'inscris en faux. La série qui a, c'est Roseanne. Oui, d'accord, mais enfin... Non, c'est l'attaque des tomates tueuses. Oui, qui n'est pas une série grand public, quand même. Mais il a été dans une série qui a duré qu'une seule saison, dont je ne me souviens plus le titre, où il jouait le rôle d'un détective, aussi, par ailleurs, qui a été diffusé après Urgence, l'après-midi, sur France 3, parce qu'il surfait sur le phénomène Clooney. Mais c'est vrai qu'il y a Clooney qui revient souvent parce qu'il a eu après une carrière ailleurs au-delà de la série. Moi qui expérimente dans mon spectacle une séquence sur Urgence, dès que je cite que c'est vraiment la série qui a changé ma vie et que je le dis à ce moment-là, j'ai vraiment tout le public qui fait ah, et ils comprennent quand je dis un chariot de Réa, deux portes battantes. Urgence. Et là, j'entends les gens « Ah !» Donc, ça a quand même marqué. Et alors, est-ce qu'il y a une plateforme de diffusion type Netflix ou autre qui rediffuse Urgence, Anne Demoulin ? Non, j'ai vérifié justement avant de venir à l'émission. Et non, il n'y a aucune plateforme qui actuellement rediffuse Urgence. Donc, ça explique aussi peut-être sa perte de popularité. Après, c'est une série qui est encore populaire dans certains milieux. Moi, j'ai des connaissances qui sont étudiants en médecine. Et là, la série, les étudiants en médecine vouent un véritable culte à cette série. Et leurs profs leur conseillent de regarder la série pour pouvoir observer les gestes médicaux apparemment qui sont d'un très grand réalisme. Pierre Langlais. Mais c'est pas étonnant qu'elle se soit un peu effacée comme ça, parce que en fait c'est une des rares séries, enfin rare non, en fait il y en a plus, mais en France elle est vraiment symbolique d'une époque du rendez-vous télévisuel. Les séries très marquantes en termes de popularité, mais dès Lost ou Desperate Housewives, ces séries-là c'était déjà l'ère du téléchargement légal ou illégal, surtout illégal. Donc en fait elle est marquée par une forme d'époque. Et d'ailleurs j'allais répondre à Anne, mais en fait Urgence, ça se regarde pas en streaming, ça s'achète en DVD. Oui. C'est-à-dire que c'est une série qui est presque à une patine historique. Alors, surtout ces premières saisons, les dernières, elles sont pas si anciennes. La série s'est finie en 2009, enfin, c'était il y a 10 ans quand même. Et du coup, je pense qu'elle est presque devenue plus une matrice qu'une série que les gens revoient. Et puis les rediffusions, parce qu'il y en a eu quand même, sur HD1, notamment TF1 Série Film, c'était toujours à des heures, qui touchaient finalement le public qui lui-même avait pu le voir le dimanche sur France 2. Donc, Séverine. Et ces rediffusions-là, qui passaient donc en fin d'après-midi, dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, n'étaient pas en fait la version du soir, mais la version de syndication aux États-Unis. Et donc notamment tout ce qui était trop gore un peu médicalement était coupé. C'était expurgé. Alors je l'ai dit en début d'émission, je suis entouré par des pointures dans leur discipline, mais il arrive un moment où il faut le prouver. C'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant l'hôpital. Saurez-vous y répondre ? Question numéro 1. En cas de consultation d'urgence, pensez-vous que le Dr Strange prenne la carte vitale. Bah, il peut, vu qu'il est vraiment docteur, pourquoi pas ? Exactement. Exactement, on ne le dit pas assez. Merci Pierre Langlais. Question suivante. Quels sont les médicaments génériques les plus efficaces ? Moi, je trouve que celui de Magnum, il est pas mal. Ouais. Ou pour l'amour du risque. Alors allez-y, chantez-le. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Ah, mais il faut aller chercher aussi le 45 tours et écouter le couplet caché, et ça je vous le chanterai pas. Ah oui, mais il vaut son pesant cacahuète. La réalisatrice pour elle, c'est le générique de Malcolm. Oui. Yes, no, then you repeat the question. Très bien. Alors, question suivante. Dernière question. Selon un sondage, 78% des Français avouent avoir le fantasme de la blouse blanche. Comment ça se fait que les profs de SVT sont souvent célibataires ? Alors, je vais casser le fantasme des Français. En plus, les blouses blanches, il y en a de moins en moins. Je pense que maintenant, il y a d'autres types d'habits. La blouse existe encore, mais je me demande si l'habit ne change pas un peu à l'hôpital. Oui, c'est peut-être l'habit ça. De CRS en ce moment, oui. Ou le gilet jaune. Ça peut marcher. Et écoutez, merci. Et le chausson aussi. Le chausson médical, c'est quand même quelque chose de sexy. Ah, et puis la charlotte aussi. Oui. Et puis les blouses qui s'ouvrent, qui aérées comme ça. Oui, c'est toujours des grands moments, ça. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a bien répondu à ce questionnaire et pour oublier ce grand moment de culture radiophonique, on va écouter Cœur, poids, plume d'Hervé. Le silence a disparu, ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souvienne, je me soutiens plus. Ah ouais, ces maudites paroles. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture. Je fais le point sur les soudures, je recolle les petits. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, maman, maman, en ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à l'pouls qui va plus. J'ai le cœur, poids, plume. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur, poids, plume. Le cœur, poids, plume. Le cœur, poids, plume. Le cœur, poids, plume. Le cœur, poids, plume. Le cœur, poids, plume. Le cœur, poids, plume. problème. Hein, quand je chante comme ça. C'était Cœur Poids Plume d'Hervé. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. C'est le dossier de Monsieur Arteburn. D'ailleurs, regardez ça. La Croix Bleue. Ni la HMO, ni la PPO. Notre client, l'assurance médicale, la meilleure. Royale. Nous traitons tous nos patients de la même façon. Je pensais seulement au déficit du budget. On n'a pas parlé de la réalisation d'urgence, parce qu'il y a des séries médicales, il y en a plein, pas musicales, ça n'a rien à voir, des séries médicales, il y en a plein, mais il y a quand même la réalisation d'urgence qui a complètement révolutionné ce qu'on faisait à l'époque à la télévision, Anne de Moulin. Oui, il y a eu vraiment une volonté de traduire le rythme effréné du service des urgences via la réalisation. Alors, comment on procède avec l'installation de vrais plafonds dans les studios? Ça permet de donner de la profondeur au long travelling. Et en fait, vraiment, une des marques de fabrique de la série, c'est l'utilisation de très longs travelling qui contiennent 2 à 3 scènes avec en permanence du mouvement dans le champ, dans le cadre de l'image. Et on a par exemple dans un épisode, Make of Two Hearts saison 1, en quelques minutes à peine, on passe d'une enfant fiévreuse à quelqu'un renversé par un camion, à un couple qui a ingéré du LSD accidentellement, à un jeune homme aux jambes écrasées. Et il y a en permanence du mouvement. Et donc 80% des plans de la série sont tournés avec une Steadicam, c'est donc une caméra portée à la main accompagnant les acteurs. Et on a en permanence donc des personnages qui essayent de frayer un chemin dans le champ. Il y a le cri des ambulanciers, tout ça est fait pour vraiment avoir un sentiment d'immersion au cœur du service. Et les gros plans, eux, sont réservés uniquement aux émotions personnelles des différents protagonistes. De toute façon, dès le départ, dans le projet de Crichton, c'était le centre. Donc déjà, les urgences, c'est le titre. Donc c'est le personnage principal. D'ailleurs, on comprend tout à fait la fin de la série en sachant que ça s'appelle Urgence. C'est le point central. Donc le décor est important. Donc il faut qu'on y soit vraiment. Donc on est vraiment dans un service d'urgence. Et ensuite, l'important, c'était les patients. Et c'est toute la force d'urgence, c'est-à-dire de pouvoir inventer une réalisation qui permettait que l'action se faisait comme dans la réelle vie des urgences, c'est-à-dire tout d'un coup il y a un patient qui débarque et il faut que la caméra puisse capter complètement ça. Et c'est ça et du coup les personnages qu'on a tant aimés et qui nous ont fait tenir souvent pendant 15 ans comme moi pour voir jusqu'au bout ne sont qu'en fait en troisième plan. C'est vraiment d'abord les urgences, les patients qui débarquent et puis les héros. Urgence, c'est une série qui s'est fait connaître pour sa véracité médicale, supposée. Et pourtant, certains médecins, très médiatisés, parmi eux, ont des choses à en dire. C'est la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ce qui est curieux, c'est que la France avait pris du retard par rapport à la production américaine pour la diffusion. Et je pensais que c'était plutôt un signe de bonne santé de refuser une image aussi valorisante, aussi idéalisée, biaisée des hôpitaux américains, et notamment celui de Chicago, qui est représenté dans la série. Mais la France n'a pas pu résister à la tendance mondiale qui suit d'ailleurs l'essor de tous les films ou productions Steven Spielberg. À l'époque, la série Urgence, c'était incompréhensible pour qui n'est pas médecin. Quand il vous fait une anéphésionogaz du sang, machin, vous êtes là, vous vous demandez. Et moi, j'étais fasciné, je me demandais ce que les gens, pourquoi ça leur plaisait alors qu'ils comprenaient rien. Sur la situation des urgences américaines dans les hôpitaux public, c'est aux antipodes de ce qui existe, bien sûr, car je suis allé vérifier à l'hôpital qui est le centre, au centre de Chicago, il n'y a rien de commun avec ce que la série montre en ce qui concerne la population, les conditions d'attente, de passage et le rapport aux clients ou aux malades. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. L'authenticité, on l'a entendu, d'urgence est remise en question. Et je sais que je regardais souvent la série avec ma mère quand je vivais encore chez elle. Et elle était aide-soignante. Et c'était un cauchemar de regarder cette série à côté d'elle. Parce que à chaque fois, elle disait, oui, enfin, en même temps, si on avait un service d'urgence, on est obligé de réanimer aussi souvent les gens, mais plus personne ne viendrait. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect aussi un petit peu sensationnel. Il y a le côté, évidemment, très réaliste, mais il y avait aussi la dramaturgie nécessaire à une série pour qu'elle intéresse les gens. J'ai un pote qui est martien, il a vu un certain nombre de séries avec des extraterrestres, il m'a dit c'est pas ça du tout les soucoupes. Mais oui, on est d'accord. Mais plus sérieusement, évidemment que c'est une fiction. Mais ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est que ça reste quand même dans l'esprit, dans la couleur, dans le rythme, dans une volonté, pas documentaire, mais de crédibilité et de réalisme. Et à la différence de nombre de séries médicales où les patients sont des miroirs des personnages de médecins, où les patients, comme par miracle, ont tous des pathologies qui vont permettre aux médecins de réfléchir à leurs propres petits problèmes, à commencer par Grey's Anatomy, c'est pas vraiment le cas d'Urgence. Et dans Urgence, il y a déjà quelque chose qui ensuite s'est imposé dans pas mal de séries du câble et tout, c'est une forme d'anecdotique, c'est-à-dire que tout n'est pas extrêmement grave, tout n'est pas extrêmement problématique, il y a aussi des choses du quotidien. Nous sommes sur les lieux de l'accident, sur la voie express Kennedy, au sud de la grande sortie, où 28 voitures et 3 camions viennent d'entrer en collision il y a quelques minutes. Si on en croit les premiers témoignages, tout a commencé quand une voiture a dérapé, faisant un tour complet sur elle-même et fauchant tout sur son passage. La police annonce déjà 41 blessés, mais d'autres personnes sont encore coincées dans leur voiture. Et malheureusement, les véhicules de première urgence ont de très grosses difficultés à parvenir sur les lieux, les routes étant toujours envahies par la neige. Ici déjà, des hommes luttent pour extraire les blessés de leurs véhicules. On ignore encore le bilan exact de cet accident. Séverine Barthes, comment on explique l'amour immodéré que les spectateurs peuvent avoir pour les séries médicales ? Je pense qu'il y a d'abord, alors pas toutes les séries médicales, mais pour un certain nombre d'entre elles, elles sont très bien écrites et donc il n'y a pas de frein à cette espèce de plongée dans les histoires. Ensuite, les séries médicales, elles sont profondément humaines. Nous sommes tous à un moment ou à un autre malades, ou nous avons tous des proches malades, nous irons tous dans notre vie à l'hôpital à un moment ou à un autre. Et dans ce cadre-là... Je me sens pas bien là quand je vous ai... dans ce cadre-là, il y a une espèce de projection qui peut se faire de comment moi je réagirais, comment moi j'ai réagi, etc. Et donc ces séries, peut-être plus que des séries judiciaires ou des séries policières, nous parlent de nous avant de nous parler d'elles-mêmes. France 2 l'avait d'ailleurs compris, je pense, assez rapidement, puisque la chaîne avait commandé dès la deuxième saison, je pense, à Sabine Chalvon-Demersay, qui est chercheuse à l'EHESS, une étude sur comment les gens regardaient Urgence. Et donc tous les dimanches soirs, elle allait chez des gens choisi par France 2, enfin des téléspectateurs qui avaient écrit par exemple ou autre, regardez avec eux, elle en a sorti une étude extrêmement intéressante sur la façon dont les gens créent des relations de compagnonnage avec les personnages. Ce qui est intéressant, et ça répond à la fois à cette question et au « j'aime pas » de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Urgence, on peut effectivement le regarder en tant que médecin et se dire « oui, mais forcément, ce serait pas tout à fait comme ci, tout à fait comme ça ». Enfin, moi, j'ai tendance à dire, plutôt que d'écouter les « j'aime pas », allez lire Martin Winkler, romancier qui sait ce que c'est qu'écrire une histoire et qui sait ce que c'est qu'être médecin, parce qu'il l'est, et ce qu'il a pu écrire sur Urgence est brillant. Et donc, Thomas Lilti, qui vient de faire Hippocrate, qui est un grand fan. C'est la preuve qu'on peut être médecin si on comprend les conventions des histoires, alors il n'y a pas de souci et ça reste très juste dans la description. Mais pour répondre donc à la question à l'instant, c'est que pourquoi on aime tant les séries médicales, c'est que c'est un condensé de la vie. Il y a tout, on est, on vit, on meurt, point. Et il y a tout dans cet univers. Et ça permet de raconter aussi une société, l'Amérique, là, dans le cas d'Urgence, cette Amérique de 15 ans en microcosme. Enfin, c'est un condensé de tout. Et il y a une petite dose. Il y a une petite dose aussi de. On aime se faire peur. C'est-à-dire qu'il y a un paquet d'hypochondriaques qui vont regarder cette série-là. À la fois en se disant mon Dieu, quelle horreur. Ni j'adore. Et en même temps, c'est quand même une série de super-héros. Alors évidemment, il y a des morts. Mais il y a quand même des médecins qui sont globalement tous super canons et super compétents. Et ça peut avoir une forme de côté rassurant. Et pour répondre à Michel Simès dans le J'aime pas, qui dit qu'il comprend pas comment les gens pouvaient aimer une série avec un vocabulaire qu'on comprend pas, mais c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on les comprend pas, mais on sait qu'ils peuvent nous sauver. Donc on les accepte comme héros potentiels avec leur langage. Moi, je connais pas le Klingon, par exemple, ou je sais pas quoi. Et ben, ça m'empêche pas d'apprécier quand même Star Trek. C'est très bon argument. Anne de Moulin, on voit que Urgence s'est arrêtée au bout de 15 saisons, mais ils auraient très bien pu continuer encore jusqu'à aujourd'hui, parce que le principe est déclinable à l'infini. Alors, le principe est entre guillemets aujourd'hui décliné dans d'autres séries. On parle, vraiment, clairement, Urgence, il y a une filiation avec des séries comme Grey's Anatomy, comme New Amsterdam actuellement. Enfin, on peut retrouver The Good Doctor. The Good Doctor, qui serait plus un héritier entre Doctor House et Urgence. Ce serait un mix des deux héritages. Chicago Hope. Voilà. Donc, oui, il y a une forte filiation. Après, pour revenir sur le pourquoi cette arène qui nous intéresse, c'est parce qu'il y a aussi plein de problèmes sociaux qui sont évoqués grâce aux urgences. On a le suicide avec Carol Hathaway, la séropositivité avec Jenny Boulet, le personnage de la copine de Benton, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce personnage. L'homosexualité, l'homoparentalité avec Kerry Weaver. On a aussi l'humanitaire là, avec Carter, hein, qui part plusieurs fois en mission. Le cancer avec McGreen. Et c'est des choses qui, hélas, même si elles font peur, on y sera un jour ou l'autre peut-être confronté. Donc ça touche tout le monde. Et pour revenir sur les critiques de Michel Simès, il faut savoir que Michael Crichton, pour tous les cas, avait mis en place en fait un réseau d'informateurs pour sa série, et tous les cas médicaux en fait sont inspirés de la vie réelle. Et donc je pense que ça aussi, ça crée une proximité entre soi et l'écran. D'ailleurs, il y a une anecdote sur le fait que si le docteur Ross, interprété par George Clooney, baissait souvent la tête, c'est parce qu'il était absolument incapable de retenir les termes médicaux, et donc on lui avait laissé des petites notes dans lequel les mots étaient écrits pour qu'ils puissent s'en souvenir. Par ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a eu cet épisode tourné en direct. Et là, c'était tellement précis les gestes qu'on leur demandait que pour cet épisode-là, vu qu'ils étaient en direct, ils pouvaient surtout pas se tromper. Donc il y en a un peu moins de gestes dans cet épisode où ils sont tournés de telle manière où on les voit plus de dos pour pas voir la précision des gestes. Parce que si le geste n'était pas précis lors du tournage, il y avait les conseillers qui étaient là pour dire ah, non, tu fais pas ça comme ça. Sinon, ta grand-mère, elle s'en sort pas. Quoi. Un épisode en direct qui a été joué deux fois parce que comme il y avait ils étaient sur deux fuseaux horaires différents entre la côte est et la côte ouest, il a fallu qu'ils le jouent deux fois. Oui. Mais c'est ça. Et en France, cet épisode en direct a été diffusé à 4h du matin, en direct. Et en fait, on n'a pas attendu Game of Thrones pour regarder des séries américaines en simultané. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas, quand on parlait des héritiers, moi, je trouve qu'il n'y a finalement pas tant que ça d'héritiers d'urgence. Il y a eu Code Black. Oui, enfin, mais même, en fait, toutes ces séries qui existent aujourd'hui sont soit des pures créations, Dr. House a créé quelque chose, par exemple, de nouveau dans le genre. Mais finalement, à l'époque, Frédéric, tu citais Chicago Hope, par exemple, qui était la concurrente de Urgence au même moment. Et par exemple, je trouve que, par exemple, il y a des séries aujourd'hui qui sont plus dans la dynamique de ce que Chicago Hope avait pu inventer, où on peut se permettre d'être plus grandiloquent, où on peut chanter, faire un épisode de comédie musicale, où on s'envoie des chœurs de transplanter pendant un épisode entier. Dans quelques minutes, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on va écouter Nick Waterhouse avec un titre que je vous invite à découvrir sur le site de France Inter, parce que c'est un titre en anglais, et j'ai pas envie de recevoir des mails de gens qui me disent « mais t'as un accent absolument pourri hein ». Donc le titre, ça commence par « I feel an urge coming ». Enfin bref, il sent quelque chose, donc voilà, allez sur le site d'internet, on écoute Nick Waterhouse. Comme tous les jours, cette émission est réalisée par le docteur Céline Hila. Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot ont opéré à cœur ouvert cette émission, et à la chirurgie technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Well, C'était Nick Waterhouse dans Blockbuster sur France Inter. Et maintenant, on joue! Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Alors aujourd'hui, on a Marion téléphone. Bonjour Marion. Bonjour Frédéric. Ça va? Et bien et toi? Mais très très bien, très très bien. Alors Marion, vous êtes fan de Urgence, si je ne m'abuse. C'est ça, oui. Vous avez découvert comment? Le dimanche soir, quand ça passait sur France 2, au début des années 2000. D'accord. Et vous avez vu toutes les saisons? Toutes les saisons, plusieurs fois, oui. Ouh, ok, donc logiquement, ce jeu, c'est une formalité. On verra, j'espère. Alors, je vous explique de nouveau les règles. Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Et si vous ne pouvez pas répondre, ou que vous faites erreur, ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. D'accord. On est d'accord? Allez. On est d'accord. C'est parti. Si je vous donne le nombre 314, c'est, réponse A, le nombre de nominations qu'a reçu la série, tout prix confondu. Réponse B, c'est le nombre de nominations qu'a reçu la série aux Emmy Awards. Ou réponse C, c'est le nombre d'épisodes dans la série. Il me semble que c'est la réponse A. Le nombre de nominations qu'a reçu la série, tout prix confondu. Je crois oui. Vous êtes sûr? Vous mettez un doute, mais on va dire que oui. Eh bien, c'est bien de ne pas douter dans l'adversité. Bravo! C'est une bonne réponse. On peut l'applaudir. Voilà, voilà, voilà. Question suivante. Quel grand réalisateur a tourné un des épisodes de la série? Quel grand réalisateur a tourné un des épisodes de la série? C'est Quentin Tarantino. Mais elle est trop forte, bravo! Effectivement, c'est Quentin Tarantino qui a réalisé l'épisode 24 de la saison 1, Maternité Motherhood en VO. Alors, la dernière question, vous allez entendre un personnage qui parle en anglais. Saurez-vous reconnaître ce personnage? On l'écoute. An elderly man. I was a surgical intern. And while tapping his chest, I accidentally lacerated his liver and he died in surgery. Alors, vous l'avez regardé en VF, donc c'est beaucoup plus dur. Oui. Ah, elle vous dit... Oui, oh ah, est-ce que je peux utiliser le joker, du coup? Bien sûr, vous choisissez qui? Pierre Langlais. Ça tombe bien, je crois avoir la réponse. Oh le mec! Oh le mais mec! Si ça se trouve, je me plante! Et là, je vais vraiment avoir l'air d'une quiche. C'est Carter, c'est la voix de Carter. C'est Noah Wiley qu'on a entendu parler là. Oh là là, Pierre. C'est pas la bonne réponse. Pierre, eh ben, c'est dommage. J'ai vraiment le regret de vous dire que c'est la bonne réponse! Ah, bravo. Eh oui, effectivement, bon, bah, effectivement, bon joker, hein. Bravo Marion! Vous avez gagné. Merci. Vous avez gagné le livre « Découvrir New York en série » de Marion Miclet, hein, paru cette année aux éditions Huguin et Munin. Voilà. Ok, donc, bah super, bah merci beaucoup en tout cas. Bah merci à vous. Donc, vous qui avez regardé Urgence, on était en train de chercher les séries potentielles qui auraient pu remplacer Urgence. Est-ce qu'il y a une autre série que vous suivez aujourd'hui? Je suis Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, ouais. Ça revient, hein. Et ça fait ouais, 15 ans là, il me semble. Après, il y avait Scrubs aussi qui est terminé, qui était bien. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'équivalent d'Urgence, je trouve. D'accord. Donc on, voilà, Urgence, absolument, souvent imité, jamais égalé. On est d'accord? C'est ça, tout à fait d'accord. Bon, bah, merci d'avoir participé, Marion. Bah, merci à vous. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Eh bien écoutez, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette émission. Séverine Barthes, Anne Demoulin, Benoît Lagan et Pierre Langlais. Hein, je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, la série Urgence, ou bien nous contacter via Facebook pour prendre de nos nouvelles, voilà, parler avec nous, on répond en général. Et il y a également Twitter, et oui Twitter, avec le hashtag BlockbusterFI. Nous croyons en la fidélité, en la persévérance. Moi aussi. Alors vous rejoignez notre famille? Avec plaisir. Et on se retrouve lundi pour parler de Pulp Fiction, Django et Kill Bill. Lundi, on parlera de Quentin Tarantino. Et après le journal, elle aussi elle est pulp, mais ce n'est pas une fiction, c'est Nadia Dam pour le débat de midi.